cet ordinateur. CPU. CPU. Ah, ça a bugué. Deuxième partie, ça fait... truc là. Ça déconne à fond. Déjà, faut que j'arrive moi comme ça. Oh, mais non, accélère pas tout de suite. Ça va, tu vas trop vite déjà pour moi là. Si tu veux, mais là, là, on va déjà trop vite pour moi. Attention.